Bonjour, je suis Troy McClure, votre futur oncle. Vous m'avez peut-être vu dans des films éducatifs comme 2-3 égale casse-tête chinois ou dans Pétard, le tueur silencieux. Vous m'avez vu dans des films diffusés dans les écoles de conduite telles que Les aventures d'Alice à travers le pare-brise ou Les grippes à l'air sur l'autoroute. Durant l'heure qui suit, nous allons voir un documentaire sur les victimes des accidents de la route. Mais sans doute vu dans des films comme Vol au-dessus d'un lit de toutou ou Les aventuriers de la vache perdue. Je craque, non. Permis, s'il vous plaît.